Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Hitler, 1923, une brasserie à Munich, partout en Europe, dès le 9 novembre, toute la presse s'interroge. Une dictature nationale est proclamée à Munich. Que s'est-il passé ce jour-là? À Wehrmacht, le gouvernement socialiste est fragilisé. À Berlin, on s'attend à de graves événements. Oui, que s'est-il passé ce jour-là à Munich? Le 8 novembre 1923, à 20h45, très exactement, 60 hommes environ, casqués, envahissent la grande salle de la célèbre brasserie de Munich, le Bürgerbrau Keller. Alors imaginez, la peur, un cri de terreur qui s'élève vers les voûtes enfumées, et tout à coup derrière les hommes, casqués, voilà un autre homme plus petit, vêtu d'un imperméable. Cet homme-là, il a les cheveux noirs et une petite moustache noire, bien reconnaissable. L'un de ses amis dira sa drôle de petite moustache. Est-ce qu'il est besoin que je vous le nomme, cet homme-là? C'est Adolf Hitler. Évidemment, c'est Alain Decaux qui raconte le putsch de Munich. C'est le documentaire Le putsch de Munich 1923 de Jean-Charles Dutrumet. Bonjour Marie-Bénédicte Vincent. Bonjour. Est-il connu Hitler avant novembre 1923? On ne peut pas le dire, il n'a pas encore de stature nationale avant le putsch et il va acquérir cette stature nationale justement par ce putsch et surtout avec le procès qui suit cet événement. Oui, parce que c'est le putsch lui-même. Alors, on ne peut pas dire qu'il fait Hitler, mais enfin nous sommes particulièrement dans un moment, et j'évoquais la presse européenne de novembre 1923, qui qualifie d'Hitler de fasciste, parce qu'il y a un précédent, un an plus tôt, en Italie. Tout à fait, la marche sur Rome d'octobre 1922 est un précédent qui est d'ailleurs tout à fait un modèle pour les nazis et pour Hitler en particulier, qui aimerait bien en fait faire lui-même une marche sur Berlin. Et on peut dire que c'est ce projet qui conduit à l'organisation du putsch de la brasserie. Avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire, Nathalie Le Bouédec, bonjour. Bonjour. Même question, c'est vrai que nous avons un moment ici, c'est du temps extrêmement court, celui d'une journée, nous sommes le 8 novembre 1923, il se passe quelque chose à Munich, nous en connaissons aujourd'hui le retentissement. À ce moment-là, oui, Hitler, on est en marche, mais c'est vrai que ce précédent italien avec Mussolini fait évidemment réfléchir partout. Oui, tout à fait. Et puis, donc, si Hitler n'a effectivement pas de stature nationale, en Bavière, il a déjà, et à Munich en particulier, il a déjà quand même réussi, voilà, une capacité à mobiliser des masses dans des manifestations d'importance. Et il est quand même perçu comme un danger, puisque début 1923, le parti nazi a été interdit dans le reste de l'Allemagne, mais pas en Bavière. Il y a eu donc un jugement de la Cour d'État pour la protection de la République qui a interdit le parti. Donc il est bien, Hitler et son parti sont perçus comme un danger pour la démocratie, déjà avant le putsch. Voilà, la journée du putsch, la période plus complexe de l'après-première guerre mondiale, et puis de la géographie évidemment, une ville, Munich, la Bavière et l'Allemagne. Pourquoi une spécificité de la Bavière à ce moment-là? Alors, pour peut-être une première raison qui est très vieille, qui est l'antagonisme, on va dire, entre Berlin et la Bavière et Munich depuis longtemps. Ça remonte au moins au 19e siècle. Et on va dire que cet antagonisme, cette opposition, cette rivalité a pris un nouveau cours depuis la création de la République de Weimar, puisque Berlin est associé à ce nouveau régime républicain créé en 1918, tandis que la Bavière fait figure de pôle, on pourrait dire, contre-révolutionnaire. Et puis, il y a la religion aussi qui rentre en cause là-dedans. Oui, bien sûr, la dimension catholique de la Bavière, effectivement. Moi, je voudrais comprendre un petit peu cette situation complexe de l'Allemagne. Nous sommes en 1923. Là aussi, l'année est particulière, 1923, parce qu'il se passe plein de choses pour l'Allemagne. Dans quel état est l'Allemagne à ce moment-là? Même pas dans un très bon état. Effectivement, l'année 1923 fait un peu figure d'anus horribilis, où si on regarde là toutes les publications qui, cette année d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'ouvrages qui paraissent là pour le centenaire, on parle, voilà, l'Allemagne au bord du précipice, le traumatisme, hors de contrôle, voilà, je traduis quelques titres, parce qu'en fait, il y a une conjonction de crises à la fois, donc intérieure, extérieure, avec l'occupation de la région de la Ruhr, je pense qu'on y reviendra, et puis de crises économique et financière avec cette hyperinflation. Donc il y a une conjonction de crises. La République est attaquée par sa gauche, par sa droite. Donc c'est vrai que c'est une année qui a marqué les Allemands et qui reste encore aujourd'hui associée à une sorte de traumatisme. C'est un peu le point culminant de cette première phase de la République depuis sa création. Oui, parce que la République, il faut le rappeler, est née avant la fin de la Première Guerre mondiale. Marie-Bénédicte Vincent, dans cette chronologie qui est très fine, hein, celle de l'année 1918, on connaît bien le 11 novembre qui est l'armistice, la République allemande, c'est un tout petit peu avant. Tout à fait. Bon, rien que la révolution qui conduit quand même au changement de régime a commencé début novembre 1918. Et Hitler, comme beaucoup d'autres, se défini en partie contre ce qu'il appelle les criminels de novembre, et dans sa bouche c'est à la fois les révolutionnaires, ce qu'il appelle les marxistes, englobant par là à la fois les sociodémocrates et les communistes, et puis ceux qui auraient donc trahi l'armée. On est début novembre 1918 et on peut dire que à partir du 9 novembre 1918 le régime de l'Empire s'effondre. Donc la date du putsch de 1923 correspond finalement à cette fin de l'Empire allemand. Il y a une sorte d'anniversaire malheureux, on pourrait dire, ici. Aujourd'hui, on sait que cette date d'anniversaire qui aujourd'hui fait sens n'a pas forcément été choisie par Hitler, qui là est opportuniste et s'est saisi d'une manifestation organisée le 8 novembre 1923. Mais disons que ça l'arrange. Bah oui, ça l'arrange. C'est vrai qu'on tire tout de suite le lien. Quand on regarde la date de novembre 1923 pour le putsch, on se dit, bah oui, c'est un écho évident à ce qui s'est passé quelques années plus tôt avec la fin de la Première Guerre mondiale. Non, pas particulièrement, mais malgré tout, cette guerre est omniprésente dans les esprits. On parle de Munich, de la Bavière, de l'Allemagne, de l'Europe entière. La guerre est toujours très très présente encore à ce moment-là. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, si on regarde les putschistes, alors autour d'Hitler, mais plus globalement autour du gouvernement bavarois de l'époque, toutes les anti-Weimar, il y a énormément d'anciens officiers et d'anciens soldats. Ludendorff est le premier d'entre eux. Donc cette guerre, elle est omniprésente. Et comme l'a dit Marie-Bénédicte Vincent, il y a cette légende du coup de poignard dans le dos, hein, cette idée que l'Allemagne n'aurait pas dû perdre la guerre et l'a perdue parce qu'elle a été trahie par des ennemis intérieurs, donc les communistes, sociodémocrates, les juifs également, parce qu'il y a une dimension antisémite. Et donc, c'est un problème de légitimité, en fait, pour la République, depuis le départ, qu'elle est née de la défaite dans la Première Guerre mondiale. Ces ennemis de l'intérieur ont causé la défaite, et pire encore, ces ennemis de l'intérieur ont signé le traité de Versailles. Successivement, tous les intéressés sont venus signer, les uns debout, les autres assis. Et Clémenceau a signé le dernier, après que, naturellement, les Allemands avaient signé. Vous savez qu'il y avait là deux délégués, Hermann Müller et le docteur Bell, n'est-ce pas ? Je vous dirais peut-être une chose qui vous surprendrait, dont je m'excuse. Mais il y a eu certainement une certaine gêne dans l'assistance de voir l'air déconfit, l'air déçu, l'air navré de ces deux Allemands, n'est-ce pas ? Qui venaient signer, enregistrer cette défaite formidable de leur pays. Ça a été vraiment indiscutable. Le journaliste Jean-Claire Guyot, qui est journaliste pour l'Illustration, qui témoigne, nous sommes évidemment bien plus tard, en 1956, sur ce traité de Versailles. Il était là, il a assisté à ça. Il évoque cette mine déconfite des Allemands qui viennent signer. On peut rappeler combien ce traité de Versailles, c'est mais une horreur pour l'Allemagne. Mais alors, on parle d'Hitler et puis de tous ses partisans, le coup de couteau dans le dos, etc. Mais c'est valable déjà pour l'Allemagne en général, Marie-Bénédicte Vincent. Bon, alors le traité de Versailles, on peut le rappeler, c'est le diktat, donc c'est l'humiliation imposée par les vainqueurs à l'Allemagne vaincue. C'est l'article qui dit que l'Allemagne est seule responsable du conflit, ce que les Allemands dénoncent. C'est l'interdiction d'une armée de plus de 100 000 hommes, c'est un corps des officiers limité, c'est l'interdiction de produire des armes, c'est une perte territoriale, une perte donc, évidemment, une restitution des territoires qui avaient été annexés à l'issue de la guerre de 1870-1871, une perte à l'est de la Silésie, qui est une région industrielle. Et puis, ça va être l'obligation qui n'est pas inscrite dans le traité de Versailles en tant que tel, mais qui va être de fait organisé, de payer des réparations. Énorme, hein. Des sommes absolument énormes. Dans ce monde-là qui se construit après la guerre, on le voit bien. Et aujourd'hui, nous connaissons la suite de l'histoire, donc c'est assez aisé d'analyser. Mais tout était possible. Et moi, je voudrais que l'on se mette dans la place à Berlin. Nous sommes ici avec ceux qui construisent l'Allemagne de demain. C'est la République de Weimar. Comment eux imaginent l'avenir ? Bon, c'était très difficile parce que l'inflation, qui est une des causes de la crise de cette année 1923, l'hyperinflation qui a quand même marqué les esprits, qui a totalement désorganisé le pays, les causes sont antérieures à la question des réparations. L'inflation a commencé dès la Première Guerre mondiale. Donc au sortir de la guerre, les dirigeants allemands doivent résoudre cette question, je dirais, indépendamment de celle des réparations qui va venir en fait se rajouter au problème. Et là, il n'y a pas 36 manières, si vous voulez, il y a soit quand on manque d'argent, soit on lève des impôts, soit on emprunte. Mais lever des impôts quand on vient de changer de régime et que le régime est si peu consolidé, si peu légitime, c'est faire peser sur ce régime un risque, hein, le risque que la population le rejette. Donc ce qu'elle va faire de toute façon, mais on ne pouvait pas le savoir au départ. Donc le choix qui a été fait, ça va être d'emprunter. Et donc ça va fragiliser beaucoup l'économie allemande, et notamment donc dans cette dans ce lendemain de la Première Guerre mondiale où par ailleurs il faut reconstruire. Oui, parce que c'est ça, il faut reconstruire. C'est un pays qui est chaos. Alors, il faut rappeler que les combats n'ont pas eu lieu sur le sol allemand, c'est important de le dire, mais malgré tout, c'est l'ensemble du pays qui est fragilisé. Nathalie Le Bouedec, vous avez évoqué la Ruhr, et je pense à toutes ces régions qui permettaient à ce pays d'être riche et puissant, bah, ces régions-là, elles ne les contrôlent plus autant qu'avant. Oui, ben c'est effectivement le début de l'année 1923 est marqué par l'occupation de la Ruhr, hein, par les troupes belges et françaises, alors qui est consécutive à justement cette question des réparations, puisque l'Allemagne en fait essayait de démontrer qu'elle ne pouvait pas payer en fait ces réparations, que ça excédait ses capacités, avait demandé un moratoire puisqu'il y avait non seulement des paiements en argent, mais aussi des paiements en nature, des livraisons de matériel, et donc la France et Poincaré, Raymond Poincaré, prennent prétexte, hein, d'un retard dans la livraison de poteaux télégraphiques et de bois pour déclencher cette occupation de la Ruhr contre l'avis d'ailleurs britannique. Et évidemment, c'est la région industrielle la plus importante d'Allemagne, donc cette occupation est déjà un problème. Et donc, le gouvernement décide de se lancer dans cette politique de résistance passive, c'est-à-dire que on fait grève, on ne travaille pas, et qui va accentuer de façon dramatique l'inflation, puisqu'il faut bien payer les ouvriers qui ne travaillent pas, les fonctionnaires, etc. Et donc, ça va devenir un puits sans fond à partir de janvier 23, avec une inflation absolument astronomique. Aujourd'hui, on parle d'inflation, mais à côté de ça, ça amène quand même beaucoup à relativiser nos problèmes actuels. Oui, on bascule dans une hyperinflation, justement. Mmh. Il y avait déjà une inflation, mais qui devient une hyperinflation et assortie d'une contestation très puissante du traité de Versailles, qui là encore préexiste, enfin, qui est là depuis 1919, mais qui prend des proportions dramatiques, et avec la présence sur le sol allemand de ses troupes, et notamment, ce que garde aussi la mémoire collective, de ces troupes coloniales qui ont beaucoup choqué les Allemands, qui méprisaient les Noirs, les Africains, et qui les percevaient avec des catégories raciales. Donc pour eux, c'était une double honte, la honte d'une occupation étrangère, doublée de la honte d'être occupée par des gens qui étaient perçus comme racialement inférieurs. Donc il y a tout ce contexte-là à bien prendre en compte pour essayer de voir le contexte, hein, dans lequel s'inscrit le putsch et en fait la tolérance dont il va quand même bénéficier au sein des élites, alors que c'est évidemment un acte violent et illégal. On peut rappeler, hein, parce qu'on évoque la crise économique, mais que cette crise est politique. Et depuis la fin de la Première Guerre mondiale, dès qu'il est question de mouvements révolutionnaires, bien sûr, 1923, le putsch, Hitler, les nazis, mais il n'y a pas que cela dans l'après-Première Guerre mondiale. Il y a d'autres mouvements qui, eux aussi, ont une visée révolutionnaire. On pourrait dire que toutes ces premières années de la République de Weimar sont émaillées d'incidents et d'attentats, d'événements révolutionnaires. On dit la révolution de novembre 1918. En réalité, les années 1918-1919 sont encore des années révolutionnaires, et pas seulement à Munich ou à Berlin, mais dans d'autres, Länder, en Thuringe, en Saxe. Donc, ce sont des années où il n'y a pas, où l'ordre ne règne pas. C'est le grand mot d'ordre qui est si cher aux Allemands, n'est-ce pas, qui n'est pas rétabli, en fait. Hein. Donc, on est dans un après-guerre qui n'en finit pas. Et puis, il y a les spartakistes aussi qui sont là. Enfin, c'est-à-dire que le mouvement révolutionnaire est à l'extrême droite quand on évoque Hitler, il est à l'extrême gauche aussi quand on évoque les spartakistes. Alors notamment dans la première phase de la République, il est à l'extrême gauche. Et effectivement, alors les spartakistes, on pense à voilà, Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, qui ont été assassinés en janvier 1919, mais il y a d'énormes... Des mouvements révolutionnaires aussi, justement dans la région de la Ruhr, et puis en Bavière. Et c'est un élément aussi très important pour comprendre l'essor de l'extrême droite radicale en Bavière, c'est la République des Conseils, en fait, du printemps 1919, donc une tentative de mise en place d'une République des Conseils communistes, qui a été réprimée ensuite dans le sang hein, par des troupes, les corps francs envoyés par le gouvernement, et qui a été aussi une forme de traumatisme en Bavière, cette espèce de peur du communisme, hein, cet anti-marxisme. Et c'est ensuite, en fait, à partir de l'été 1919 que la Bavière devient un peu le fief ou le bastion de l'extrême droite radicale, où fleurissent tout un tas d'organisations paramilitaires, souvent illégales, mais tolérées, etc. Et donc cette expérience révolutionnaire d'extrême gauche a aussi nourri ensuite l'extrême droite, dans une sorte un peu de cercle vicieux. Puis il y a Oui, tout à fait. Pardon. Tout à fait. Non, c'est Nathalie Le Boisdec souligne à très juste titre que cette violence, elle traverse tout le spectre politique. Et il y a aussi ce camp monarchiste hein, qui n'a pas encore cédé. Bon, il y a encore un putsch cap en mars 1920 qui est quand même d'inspiration monarchiste, même si des corps francs vont prêter main forte. Donc les monarchistes espèrent encore que la République va tomber et ils seront assez bienveillants, notamment en Bavière. Avec ces groupes paramilitaires qui sont plus radicaux, plus extrémistes, mais qui, dans le fond, peut leur servir hein, à renverser ce régime détesté. Voilà, donc il y a toute cette constellation, donc à la fois la complexité de l'Allemagne avec ses plusieurs centres politiques, et puis tout ce mécontentement anti-républicain qui traverse, en fait, tout le spectre politique, si l'on excepte les partis modérés qui portent le régime. Oui, ils portent le régime, un régime qui est solide ou c'est un régime qui connaît une succession sans cesse de dirigeants? En fait, on a souvent un point de vue négatif hein, sur la République de Weimar. Effectivement, il y a une valse des cabinets. Hein, il y en a 8, si je me trompe pas, entre 1920 et 1924. Pendant cette crise de 23 aussi, le gouvernement tombe. On forme une grande coalition, mais qui tombe puis est reformée. Enfin bref, c'est très compliqué. D'un autre côté, on peut aussi dire que il a quand même réussi ce régime à survivre à cette année 1923 et que c'est un peu un petit miracle quand même également. Et que donc il y a quand même une résistance, notamment portée par le SPD et le président du Reich Friedrich Ebert, mais aussi par la figure de Gustav Stresemann, qui lui est un libéral plutôt de droite, hein, qui est issu des milieux industriels, mais qu'on pourrait qualifier de républicain de raison, pragmatique, et qui va quand même contribuer aussi à la résolution de la crise. Donc, voilà, il y a aussi toutes ces crises, mais on peut considérer que la République arrive à quand même sortir de cette phase de crise et que donc tout n'était pas non plus perdu d'avance. Avec cette figure du chancelier du Reich, on est à la fin de l'année 1923, c'est à l'été hein, 1923 qu'il arrive au pouvoir, c'est Stresemann. Attention, attention, ici le Parti national allemand. Nous vous demandons votre attention pour le ministre du Reich et dirigeant du parti, le Dr Stresemann. Nous avons affronté des milliers de difficultés dans notre vie quotidienne, dans la politique extérieure, intérieure et économique. L'époque dans laquelle nous vivons est une époque de révolution. En ce temps où nous nous posons de graves questions fondamentales dont dépend notre avenir, nous n'acceptons qu'une ligne de conduite dans notre parti. Satisfaire aux exigences de notre temps, sans aucune illusion, par un travail concret, efficace et par la réelle politique qui en réalité reflète le plus grand idéalisme, car elle réussit à apaiser les esprits qui s'emportent pour ne suivre que la raison, seule capable de nous faire avancer. Gustav Stresemann, alors l'archive n'est pas datée précisément. On est au début des années 1920, sans doute en 1923 ou 24, mais il est plus chancelier en 24. Il y a une pleine conscience, j'imagine, du pouvoir, qu'il se passe quelque chose, que tout est instable, et surtout en Bavière. La Bavière, c'est quand même quelque chose de très particulier. On sent que le pouvoir en Bavière, enfin en tout cas cet état-là, est un état qui est un peu à part. Faut le gérer, vous me faites oui de la tête, Nathalie Le Bouedec, mais on sent que c'est compliqué, parce que en Bavière, il n'y a pas une affinité très forte, on va dire, avec le gouvernement fédéral. Oui, donc comme l'a dit Marie-Bénédicte Vincent tout à l'heure, ça remonte à déjà au XIXe siècle. Cet antagonisme avec la Prusse, en fait, et Berlin, ça reste quand même la Prusse, qui prend des nouvelles formes. Et en fait, ce qui se passe à l'automne 23, c'est pas la première fois que la Bavière défie le gouvernement fédéral, même si là, ça atteint un autre niveau. Il y a eu déjà, par exemple, le refus au départ de désarmer les milices. C'était une obligation du traité de Versailles, donc le gouvernement s'y était opposé, ce qui avait entraîné la démission de Gustav von Kahr du poste de ministre-président. Il y a eu ensuite le bras de fer autour de la loi de la protection de la République en 1922, puisque la Bavière refusait à estimer que ça violait ses compétences, et donc ça avait abouti à un compromis qui est quand même très lourd de conséquences, parce qu'au final c'est pour cette raison qu'Hitler n'a pas été jugé devant une cour fédérale, la cour d'État de protection de la République, mais en Bavière, devant un tribunal populaire. Donc voilà, il y a des antécédents de résistance, on va dire, face au gouvernement fédéral, alors qu'ils vont atteindre leur point culminant à l'automne 1923, et même avant le putsch d'Hitler. Oui, parce que l'unité allemande, c'est récent à l'échelle des temps. Hein, en 1923, ça a une cinquantaine d'années, à peine plus de 50 ans. Qui est Hitler à ce moment-là? Nous sommes en 1923, ancien combattant de la Première Guerre mondiale. Oui, alors Hitler, à ce moment-là, est effectivement un ancien combattant. Je rappellerai quand même qu'il n'est pas né en Allemagne, qu'il est né en Autriche, et qu'il est arrivé en Allemagne assez tardivement, juste avant la Première Guerre mondiale, justement parce que on sait aujourd'hui qu'il ne voulait pas effectuer son service militaire en Autriche-Hongrie. Et donc, il va s'enrôler, en fait, de manière volontaire, dans la Première Guerre mondiale, côté allemand. Il est très fier, d'ailleurs, de faire cela pour l'Allemagne, puisque il était pan-germaniste. Donc, pour lui, la cause allemande est la plus belle au monde. Et donc, il s'enrôle. Alors, il traverse la guerre sans fait d'armes particulier. Bon, il a reçu une décoration. Bon, il était caporal. Il a été blessé à la fin de la guerre, ce qui fait qu'il n'assiste, il ne participe pas, on va dire, à la contre-révolution en tant que tel, en tant que combattant. Mais il n'est pas non plus reconnu comme un grand combattant. Il n'a pas été salué pour une action d'éclat ou pour voilà. Donc c'est un soldat qui a déjà survécu et qui est blessé donc et en convalescence au moment où éclate la révolution. Et donc dans Mein Kampf, il dit que c'est cet événement déclencheur, la révolution de novembre 1918, qui lui fait prendre conscience qu'il doit jouer un rôle en politique. Alors bon, bien sûr, Mein Kampf est écrit après, donc c'est une reconstruction, mais il n'empêche que de fait, son engagement politique en tant que tel date bien de l'immédiate après Première Guerre mondiale. Marie-Bénédicte Vincent, vous êtes professeure à l'Université de Franche-Comté, membre du Centre Lucien Febvre. Vous avez participé à l'édition critique Mein Kampf. C'est vrai que ce schéma-là, et vous venez de parler de reconstruction, c'est aussi à prendre en compte. Dès qu'on évoque ces premiers temps du nazisme, avec ce contraste saisissant entre un Hitler inconnu, disons-le, et un Hitler omniprésent, qu'est-ce qui le fait aller, déjà géographiquement, vers la Bavière? Alors, c'est parce qu'il y avait un phénomène là-bas où il pouvait développer des idées? Alors, en fait, déjà, c'est pas très loin de la Haute-Autriche, qui est sa région de naissance. C'est culturellement une région qui est proche de l'Autriche, ne serait-ce que par l'identité confessionnelle de la région. Et puis, dans Mein Kampf, Hitler va idéaliser Munich, il dit c'est la ville des arts. et des artistes. On sait que Hitler se croyait lui-même artiste, hein, il considère qu'il n'a pas été reconnu à sa juste valeur à Vienne, qu'il n'a pas pu faire la carrière artistique à laquelle il avait le droit. Donc, il pense que Munich sera pour lui une nouvelle patrie, et c'est pour cette raison qu'il choisit cette ville, et il dit que ça a été il le dit dans Mein Kampf, ça a été les plus belles années de sa vie. Et puis on ne va pas se faire avoir par le mythe du sauveur, l'homme seul qui arrive à Munich et puis d'un seul coup qui fait tout. Dites donc Nathalie Bouedec, quand Hitler arrive à Munich, enfin, il y a des réseaux déjà, il y a des échanges d'idées. Ce n'est pas comme ça, simplement par la volonté d'un seul homme, que se met en place un mouvement politique aussi vaste. Oui, tout à fait, puisque en fait, l'origine du NSDAP, c'est un autre petit parti, le DAP, le Deutsche Arbeiterpartei, le parti des ouvriers allemands, que n'a pas créé Hitler. Hitler, en fait, a assisté à des réunions de ce groupuscule qui est un des nombreux groupuscules qui se créent à l'époque dans cette nébuleuse de droite radicale. Il assiste d'ailleurs à cette réunion en tant qu'observateur de l'armée. On est dans les idées, voilà, antisémites, anti-marxistes, anti-parlementaires, etc. Et ensuite, donc, ce parti est créé tout début 1919, si je me trompe pas, officiellement. Et donc, Hitler va après rapidement, quand même, gagner en importance au sein de ce parti et y prendre la main en 1921. Donc, ça a été la base, en fait, qui lui a permis ensuite de construire le NSDAP. Mais au départ, ce n'est pas lui qui a créé ça de toute pièce. Le NSDAP, le Parti National-Socialiste des Travailleurs Allemands, donc le parti nazi. Oui, pour expliquer comment Hitler arrive au DAP, peut-être juste rappeler que juste après la Première Guerre mondiale, les partis, les soldats n'avaient pas le droit d'adhérer à des partis politiques, et c'est pour cette raison que Hitler, en tant que instructeur, on va dire observateur politique, est amené à fréquenter ce type de parti, et donc dit qu'il a été envoyé pour observer donc ce DAP. On pense aujourd'hui qu'il y allait de tout seul en fait, parce que les idées lui plaisaient. Mais de toute façon, il y avait beaucoup. Comme l'a très bien dit Nathalie Le Bouedec, il y a beaucoup de partis de ce style. Ce parti n'est en rien original par rapport à tous les groupuscules et tous les petits partis qui gravitent dans cette capitale bavaroise. Et Hitler, lui a-t-il quelque chose d'original qui peut expliquer son ascension à l'intérieur du parti ? C'est un excellent orateur. Aujourd'hui, en recherche, les spécialistes de Hitler s'accordent à dire qu'il n'a aucune qualité intrinsèque, on va dire, hormis le fait de savoir parler aux foules. C'est pas un grand théoricien, c'est pas quelqu'un qui écrit bien, on le voit dans Mein Kampf, qui est un livre mal écrit, mais c'est quelqu'un qui sait parler aux foules, qui sait haranguer, et il a été repéré pour cette raison au sein du DAP. Donc le parti des ouvriers allemands. Ouais, c'est ça, c'est le côté orateur qu'on retrouve déjà à l'origine. Et puis il faudrait savoir de qui il est entouré aussi, parce que dans ce parti on va retrouver qui en fait ? On des mécontents globalement ? Alors le niveau de la sociologie ? Oui. Du parti, c'est vrai que c'est beaucoup, on va retrouver beaucoup de ce qui relève de la petite bourgeoisie, des artisans, des petits employés, mais aussi un certain nombre d'ouvriers, notamment les ouvriers qui étaient les ouvriers agricoles ou dans les petites, on va dire, petites entreprises, c'est-à-dire qui n'étaient pas justement organisés dans les syndicats ou au sein du mouvement social-démocrate. Donc on est plutôt dans cette sociologie-là, mais on va retrouver aussi quelqu'un comme Ludendorff qui lui incarne les anciennes élites de l'Empire, à la tête de l'armée, issue de carrière militaire classique. Donc, il y a quand même un profil qui, à ce niveau, est assez intéressant, populaire et assez large, finalement. Oui, on retrouve ça dans le nom du parti, National Socialiste. C'est qui, Ludendorff ? C'est un grand militaire, en tout cas, à ce moment-là. Le général. En fait, c'est l'un des... De 1916 à 1918, on peut dire que l'Allemagne vit sous un régime de dictature militaire, au sens où ce sont les hauts dirigeants de l'armée qui, en fait, dictent la politique non seulement militaire, mais aussi intérieure. Et donc, il y a donc Hindenburg, et puis le numéro 2, c'est donc le général Ludendorff. Donc, c'est le héros de la Première Guerre mondiale qui, après une période d'exil, est revenu justement en Bavière. Hitler, 1923, une brasserie à Munich. Oui, mais qui sont les premiers nazis ? Albert fut le premier nazi que je connus. Il avait 19 ans. Il était mon assistant quand j'étais chimiste, dit Edmund Halpern. À quoi ressemblait ce premier nazi? Un jeune homme, gentil et pas bête, de la classe moyenne, enthousiasmé par son métier, enthousiasmé par la reconstruction de l'Allemagne. Il avait un immense respect pour moi parce que j'avais été officier au front. « Cette nuit, j'ai mon tour de garde », me dit-il. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça ?»« Je suis au NSDAP, monsieur le capitaine. » Au début, je ne voyais pas clairement ce que c'était. Quand je posais la question autour de moi, on me répondait « Ah, mais c'est un truc pour les jeunes gars. Ils jouent aux soldats. Ils ont une sorte d'uniforme, une chemise brune avec un brassard. Ils s'exercent au combat. Ils marchent au pas de loi. Ils apprennent la discipline. » Et aujourd'hui, nous en avons si peu. Et puis, ils font preuve d'une sympathique camaraderie. Un extrait du formidable film de Jérôme Prieur, Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler. Dans cet extrait-là, c'est un recueil de témoignages qu'a fait Jérôme Prieur. Dans cet extrait-là, on sent bien l'aspect militaire de ce parti. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être une particularité, mais qui là aussi s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus large. C'est ce qu'on avait retrouvé déjà en Italie avec les fascistes de Mussolini. Oui, l'inspiration fasciste est quand même assez évidente, même si il y a beaucoup de mouvements paramilitaires en Allemagne à ce moment-là. Mais c'est vrai que les nazis s'inspirent beaucoup des fascistes italiens, ne serait-ce que dans le salut, l'appellation chef, la manière de saluer le chef, la manière dont le chef répond à ce salut, à cet hommage. Tout ça, ce sont des emprunts au fascisme italien, et on sait que le fascisme italien est très scruté, très observé par les nazis en Allemagne. Donc ça, c'est la recherche récente qui étudie bien toutes ces circulations, ces influences entre les mouvements fascistes européens, tout à fait. Et puis à faire attention à pas se mélanger les pinceaux dans la chronologie, parce que Mein Kampf n'est pas encore écrit. Nous sommes avant le putsch de Munich, donc quel est le programme? Est-ce qu'on arrive à savoir aujourd'hui, parce que beaucoup de discours d'Hitler, on sent beaucoup d'oralité dans cette histoire-là, il y a un programme déjà pour ce parti? Alors il y a le programme de 1920 en 25 points qui va être sanctuarisé, on va dire, dans Mein Kampf, puisque Hitler dira qu'il est désormais intouchable, alors que lui-même n'adhère plus à un certain nombre de points. Mais disons que le gros de ce programme reste quand même d'actualité, donc c'est un programme révisionniste, c'est-à-dire quand on dit révisionniste, c'est-à-dire qu'il conteste et dénonce les traités de paix, donc notamment le traité de Versailles de juin 1919. C'est dans le programme en 25 points de 1920, il y a aussi des mesures antisémites. Hein. Il est dit clairement que les Juifs seront des ressortissants et non plus des citoyens. Il y a des dimensions économiques et sociales qui seront d'ailleurs, on pourrait dire, une dimension déjà anticapitalistes qui seront... Là, le régime nazi n'appliquera pas ce programme. Donc oui, le programme de 1920 est une référence importante. Après, Hitler lui-même n'a pas beaucoup écrit. On a des articles de lui publiés dans le Völkischer Beobachter jusqu'en 1921, et on a quelques lettres. On a surtout les discours. Ouais, les discours, c'est ça qui est important. Cet art oratoire d'Hitler qui galvanise. Ils sont nombreux, d'ailleurs, ces membres du parti nazi. C'est pas grand monde, a priori. Hein. C'est, je pense, 60 000 personnes maximum. Ah, quand même. Oui, en 1923, je crois qu'on arrive à 60 000 sympathisants. Mais en fait, comme disait Nathalie Lebaudec tout à l'heure, Munich, il y a eu des accords en fait entre plusieurs groupements paramilitaires, une sorte de plateforme électorale déjà, ce qui fait que il y a des alliances possibles pour essayer de peser plus. Et donc ensuite, à partir du moment où il y a ces alliances possibles, parce qu'il y a beaucoup de points de convergence sur donc le révisionnisme, l'antisémitisme aussi, on peut se douter que les passages seront plus faciles ensuite vers le NSDAP si le NSDAP devait prendre finalement la tête de cette mouvance, ce qui n'est pas encore gagné, je dirais, début 1923. Et c'est ça, hein, c'est que toute cette année 1923, là encore, la chronologie est très importante, parce que à la fin de l'année, enfin en novembre, il y a ce putsch à Munich. Est-ce que c'est dans le programme, en fait? Parce qu'on évoque ces points du programme. Est-ce que l'idée de prendre le pouvoir par la force, c'est quelque chose d'imaginé dès le début? Alors, c'est pas dans le programme de 1920, mais le projet, oui, existe depuis déjà plusieurs mois. Les idées l'idée d'un putsch, ensuite d'une marche sur Berlin, inspirée justement aussi par l'exemple de Mussolini, est tout à fait présente. Et c'est justement aussi une des raisons du putsch, c'est-à-dire que Hitler va vouloir précipiter les choses et surtout éviter de se faire devancer par les autres, Bavarois, et donc notamment von Kahr et voilà, ces deux acolytes. Le général von Lossow, où il a l'impression que peut-être ils vont faire ça sans lui. Il y a aussi, en fait, c'est une situation très complexe avec une rivalité, en fait, pour le leadership au sein de l'extrême droite radicale entre Hitler et von Kahr, justement, qui se retrouve à la tête du gouvernement à partir de fin septembre dans un cadre d'état d'urgence et qui est d'ailleurs à la limite de la violation et qui est une violation de la Constitution. Ouais, c'est-à-dire que déjà la Bavière, par son pouvoir, voire même est porteuse de cette extrême droite. Oui, au point que au niveau fédéral, à Berlin, l'état d'urgence sera proclamé dans tout le reste du Reich, hein, parce que la Bavière devient connaît une situation dangereuse, et donc à Berlin, on craint clairement un putsch. Hein, donc le danger est perçu et dans cette année de crise 1923, il y a ce risque d'éclatement, en fait, du Reich, qui se superpose à tous les autres dangers, donc principalement le danger inflationniste et par ailleurs le problème de l'occupation étrangère. Donc c'est beaucoup d'éléments. Ça fait beaucoup d'éléments. Et puis, quand je vous entends, c'est vrai qu'il y a des mouvements concurrents d'extrême droite, mais qui, eux, arrivent au pouvoir en Bavière. Hein. Nous sommes donc en septembre 1923. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que Hitler et son parti auraient pu s'associer à ce mouvement-là? Ça aurait été logique aussi? Ça aurait été... Alors, on ne va pas faire de l'histoire-fiction, hein, mais dans une lecture globale de ce mouvement? Alors, je dirais qu'il y a il y a des convergences sur le plan des idées, mais il y a des différences. Bon, d'abord, il y a une différence qui est que Hitler, un peu sociologique, hein, Hitler n'appartient pas à ce monde des élites. Il a une origine plébéienne et d'ailleurs, ça va être un argument qui rassure les élites en disant on peut se servir de lui, mais dans le fond, il n'est pas de notre monde et on pourra toujours le maîtriser. Mais aussi, Hitler veut le leadership. Et donc, il ne veut pas être un second. Il ne veut pas être un instrument. Il veut mener le putsch. Et donc, il veut clairement la première place. Et c'est un élément qui conduit à sa stratégie du putsch. Qu'est-ce qui s'est passé d'ailleurs à Munich ce 8 novembre 1923? Alors, on parle beaucoup de cette brasserie. Donc, beaucoup de sympathisants, 60 000, mais dans une brasserie même munichoise, 60 000 personnes, ça ne rentre pas. Non, alors en fait, cette réunion donc à la Bürgerbräukeller, à la brasserie, donc n'est pas une réunion des nazis. En fait, c'est une réunion organisée par Gustav von Kahr et donc qui est à la tête du gouvernement bavarois à l'époque. Et donc, ce sont ses partisans à lui qui sont là essentiellement. Et ce sont plutôt en fait des notables, puisqu'il y a tous les ministres du cabinet qui sont là. Et ce sont un peu, oui, là, les notables de toutes ces organisations groupes. Donc, il y a aussi des hauts fonctionnaires, des officiers, etc. On voit, il y a des photos, on voit des femmes très très bien habillées, des hommes en costume, etc. Et c'est là que Hitler intervient avec donc les SA et Ludendorff et une partie de ses adhérents, et qui intervient dans cette réunion, donc qui a lieu le 8 novembre 1923 au soir, pour proclamer donc ce putsch et essayer de contraindre von Kahr et ses acolytes à le soutenir. Donc ce n'est pas une réunion du parti nazi, hein, il y a à peu près 3000 personnes, je crois, qui sont réunies et qui sont là pour écouter Gustav von Kahr, en fait, à l'origine. Et donc, c'est Hitler qui s'inscrit dans cette réunion pour, vous dites, proclamer le putsch. Hein, c'est... Alors, il veut contraindre, en fait, les trois membres, enfin, donc von Kahr et puis le chef de la police et le chef de l'armée au niveau de la Bavière, de le suivre. Et il les contraint un peu par la force, enfin... Ils acceptent de mauvais gré, on va dire. Et le lendemain, parce que Ludendorff vient et appuie le putsch. Donc les trois, finalement, cèdent. Et une fois Hitler parti, Ludendorff ayant libéré, on pourrait dire, les trois individus, ils reviennent sur leurs paroles. Et Hitler, donc le 9 novembre, puisque c'est donc la date qui va être retenue, le lendemain, décide de marcher sur Munich avec ses partisans pour essayer de prendre par la force le pouvoir. Mais c'est un putsch, on pourrait dire, c'est presque burlesque. Hein, il va vouloir prendre le ministère de la guerre bavarois, et il y a quelques, donc il va y avoir des coups de feu échangés. Je crois qu'il y a 4 policiers qui sont tués, 13 partisans du parti nazi, un passant qui prend en fait la balle qui était destinée à Hitler, qui échappe malheureusement à ce moment-là à la mort. Et du coup, le putsch échoue. On parle de ces partisans, on a évoqué les SA, donc les sections d'assaut. Ça veut dire que malgré tout, il y a une vraie organisation qui soutient Hitler. Oui, alors les SA, la section d'assaut, Röhm, c'est donc le groupe paramilitaire avec des rapports assez compliqués avec Hitler. Disons qu'il y a quand même une rivalité. Röhm, il veut rester indépendant, il ne veut pas abdiquer toute son autonomie face à Hitler, qui reste le chef politique, mais il n'empêche que ça reste évidemment la troupe paramilitaire du parti nazi et la branche armée, tout à fait. Oui, parce que voilà, ça reste paramilitaire, mais avec des armes. Ce n'est pas juste des questions de chemise et d'uniforme. Ah non, pas du tout. Il y a des armes, et surtout, en fait, c'est justement, toutes ces organisations étaient tolérées, ils avaient des contacts aussi avec l'armée, ont souvent récupéré des armes qui auraient dû être détruites ou confisquées dans le cadre du traité de Versailles. Et donc, il y a un armement très important, en fait, et justement aussi des liens avec l'armée. Certains ont été formés par des officiers de la Reichswehr, donc de l'armée allemande. Donc oui, il y a cette dimension militaire. Ce qu'on pourrait ajouter aussi par rapport au putsch le 9 novembre, c'est qu'il y avait aussi des soutiens chez les étudiants aussi de Munich, et qui ensuite, d'ailleurs, ça s'est confirmé ensuite dans la République de Weimar, que les étudiants ont fait partie des groupes aussi où il y a eu beaucoup de soutien pour le parti nazi, et dont les étudiants, le 9 novembre 1923, il y a des étudiants qui manifestent pour Hitler. On voit la complexité de ces situations-là. C'est pas juste simple quelques extrémistes conduits par Hitler qui cherchent à prendre le pouvoir. En tout cas, ce putsch fait réagir. Allô? Allô, le matin? Allez, passez-moi une sténo de presse. Oui, oui, c'est urgent, mon petit. J'appelle de Munich. Comment? S'il fait bon? Bah, il pleut, il fait plutôt froid. Mais chez eux, ça n'est pas comme en France. La température ne les empêche pas de faire la révolution. Vous êtes prête, mademoiselle? Alors, je dicte. Munich, 8 novembre, 22h. Vous pourrez proposer comme titre « Le chaos ». Il était 20h quand M. Decart, le général de Lossow et le colonel de Seyssin, les triumvirs de la Bavière indépendante, ont commencé leur réunion devant 3000 personnes. Quand la porte s'est ouverte avec fracas, laissant passer 4 hommes. Ceux-ci ont immédiatement braqué une mitrailleuse en direction de la tribune. Après un moment de stupeur, la salle a vivement conspué le chef des agresseurs. L'agitateur, dont le nom a déjà figuré une ou deux fois dans nos colonnes, se nomme Adolf Hitler. Oui, oui, oui, Hitler, mademoiselle. H-I-T-L-E-R. La tribune de l'histoire 1964, hein, qui... Alors imagine un journaliste présent à Munich, on sait bien, quand on est dans le feu de l'action, tout près des événements, on voit pas exactement ce qui se passe. Donc c'est une relecture, la Bavière n'est pas vraiment indépendante. C'est une traduction, je pense, de Freistadt, oui. Qui est en fait, disons que la République de Weimar conserve la structure fédérale et officialise l'appellation Länder ou Land au singulier. Et donc les États qui sont très fiers de leurs prérogatives politique s'appelle Freistaat, les États libres, donc il y a l'État libre de Prusse, etc. Et là, c'est traduit, mais de manière malheureuse, par indépendant. Mais voilà. Voilà, c'est pas grave, ça arrive, journaliste aussi. Et dans cette histoire, nous avons ce 8 novembre, cette réunion à la brasserie qui est perturbée. Le 9 novembre, une tentative de prise de pouvoir qui se termine mal. Quelle est la réaction, en fait, des autorités? Alors là, toujours, il faut voir ce qui se passe en Bavière et ce qui se passe dans l'ensemble de l'Allemagne. Comment ça se passe? Bien, au niveau de la Bavière, et donc von Kahr, Lossow, qui commandait les troupes, et le chef de la police se retournent finalement contre Hitler, et donc c'est la police bavaroise en fait qui intervient contre les nazis, Hitler et les putschistes. Donc en fait il se tire une balle dans le pied lui-même, donc une rivalité entre les deux, donc ce qui est aussi un soulagement pour les autorités fédérales. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est quand même que l'armée reste du côté, en tout cas pour l'instant, l'instant du côté de la légalité. Il faut aussi voir que la situation à Berlin était que dans le cadre de l'état d'urgence, les pouvoirs exécutifs avaient été transférés au chef de l'armée, qui était le général von Seeckt, qui avait aussi des intentions dictatoriales, était en contact avec des grands patrons pour prendre le pouvoir, mais qui, au dernier moment, va quand même choisir de rester dans un cadre de la légalité, de suivre le président du Reich, alors qu'il aurait pu éventuellement soutenir aussi des putschistes, mais qui va rester. C'est aussi lié au fait que le général von Lossow avait refusé d'obéir à l'autorité du Reich, donc ça a sûrement joué. Mais c'est quand même une situation très très tangente qui aurait pu basculer du mauvais côté. Mais c'est vrai que la rivalité interne en fait à la Bavière va permettre aussi la fin du putsch. Oui, parce que von Seeckt veut aussi, quitte à changer de régime, prendre le leadership. Donc pour lui, il y a un risque à voir les Bavarois prendre la tête d'un régime qui ne serait, on va dire, anti-républicain. Donc c'est sûr qu'il y a la rivalité Berlin-Munich joue paradoxalement en faveur de la République, on peut le dire comme ça. Ce qui explique peut-être ces choix qui sont difficiles à comprendre si on s'en tient à l'histoire des idées pures, parce que dans le fond, c'est pas des démocrates de cœur. Oui, c'est ça, c'est pas des démocrates de cœur. Nathalie Lebaudec, vous êtes professeure en histoire et civilisation allemande à l'université de Bourgogne. Ce moment-là, 1923, nous le relisons beaucoup par la suite, et notamment comment Hitler lui-même a théorisé ce coup d'État. Mais on l'entend bien, il y a des rivalités intenses, le contexte est très important et il est complexe. Je ne peux pas dire de l'opportunité ou de l'opportunisme, c'est pas du tout ça, mais il y a un peu d'improvisation dans cette histoire-là. Oui, alors c'est sûr que l'histoire du parti nazi et du régime hitlérien va mettre en scène a posteriori le putsch comme un événement glorieux avec ses martyrs, avec ses légendes, mais c'est une reconstruction. Et aujourd'hui, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé à Munich, le mot de putsch est presque un peu fort, puisque finalement il y a eu très peu de faits d'armes, très peu d'affrontements physiques. Voilà. Mais Hitler va reconstruire cet événement, l'édifier, en faire un précédent qui explique et qui légitime sa trajectoire. Nathalie Lebaudec, sur cette mémoire travaillée par Hitler lui-même de ce putsch. Oui, donc très vite, c'est devenu une sorte de mythe fondateur pour les nazis. Donc ça a été déjà célébré dans les années 20, très rapidement. Et puis à partir de 1933, alors c'est devenu un jour incontournable dans le calendrier, déjà très chargé de célébrations rituelles et autres. C'est même devenu carrément un jour férié, je ne sais plus à partir de quelle année. Il y avait ce drapeau aussi, qui était le drapeau avec le sang des victimes du 9 novembre, des victimes nazies, qui était devenue une sorte de relique pour le parti, etc. Donc c'est devenu un mythe fondateur du parti nazi, alors que ça a été un échec quand même cuisant. Ce que l'on retrouve dans les actualités françaises, nous sommes en novembre 1940, archives de propagande. À Munich est célébré avec le cérémonial habituel l'anniversaire du 9 novembre. Chaque année, à cette date, un cortège emprunte le même chemin que celui qui fut parcouru il y a 17 ans par la phalange d'hommes qui entourait Adolf Hitler. C'est un échec. C'est évidemment un échec, cette tentative de prise de pouvoir à Munich en 1923. Marie-Bénédicte Vincent, dans la construction historique de l'événement, c'est fort de faire d'un échec, non pas un succès, mais un moment fondateur. Qu'est-ce qu'il advient de tous ces militants qui ont voulu prendre le pouvoir ? Alors, c'est un échec, certes, sur le moment, mais ça permet à Hitler, d'une part, dans cette peine de prison de courte durée, on y reviendra peut-être, je ne sais pas, d'écrire donc ce livre Mein Kampf, qui est dédicacé finalement, dédié à ceux qui sont morts ce jour-là. C'est un livre qui n'est pas destiné au grand public, Mein Kampf, c'est un livre qui est destiné aux militants du parti et il est dédié aux morts de ce putsch. Et donc ça permet à Hitler, durant cette période d'emprisonnement, de coucher par écrit ses idées. Donc c'est un moment qui est important dans la construction et dans la manière dont Hitler va concevoir ensuite son rôle, puisqu'il va, avec ce livre, et puis essayer d'imposer sa personne à la tête du parti nazi, ce qui était loin d'être acté, on va dire, d'une part en 1923, mais ensuite, et j'allais dire d'autant plus après l'échec du putsch. Il va falloir déployer de sa part beaucoup de persuasion pour se faire accepter comme chef alors qu'il a échoué en novembre 1923. Et surtout que condamnation évidente hein, pour quelqu'un qui a essayé de prendre le pouvoir. On s'imagine les pires sanctions. Oui, donc Hitler est accusé de haute trahison, donc normalement la peine était la perpétuité, pouvait être réduite en cas de circonstances atténuantes à 5 ans, ce qui a été le cas. Donc effectivement, la peine a donc 5 ans d'emprisonnement, en plus, ce qu'on appelle en Festungshaft, donc c'était en forteresse, donc c'était des conditions d'emprisonnement, on va dire, plus douces, qui étaient réservées aux détenus qui avaient des motivations honorables, hein, c'était la justification. Et en fait, si comme il a au bout de six mois, il était possible d'être libéré, il était possible d'avoir une libération conditionnelle, qu'on lui a compté les 4 mois et demi de détention préventive, il est resté plus que 6 semaines après le procès qui s'est achevé début avril 1924. Donc c'est effectivement une condamnation extrêmement clémente. Si la peine avait été, enfin le code pénal avait été appliqué, on va dire, il aurait toujours été en prison en 1933 et même bien après Hitler. Donc on a ici un procès, qui en fait est une mascarade, enfin presque une farce, hein, où en fait le juge et le procureur sont plutôt sympathisent avec les idées des accusés, en plus un procès qui se tient donc devant un tribunal populaire, un Volksgericht bavarois, alors que normalement il aurait dû se tenir devant la cour d'État pour la protection de la République, sauf que la Bavière avait obtenu après son bras de fer avec le gouvernement fédéral que les affaires concernant la Bavière ne soient jugées devant cette cour qu'à la demande de la Bavière. Or, la Bavière n'a pas fait cette demande, donc cela s'est tenu devant une cour bavaroise, avec certes aussi des juges non professionnels, mais le problème étant la sélection hein, de ces juges. Et donc, on aboutit à ce jugement qui paraît totalement absurde par rapport aux crimes qui sont ici, aux crimes dont il était question. Et qu'en est-il du parti ? Oui. La participation de Ludendorff explique quand même cette clémence parce qu'il aurait été très difficile de condamner sévèrement Hitler compte tenu du soutien que lui apportait Ludendorff, qui est quand même un chef militaire incontesté, disposant d'une aura nationale depuis la Première Guerre mondiale. Et d'autre part, il ne faut jamais oublier que le révisionnisme est sous-jacent au putsch est transversal à pratiquement tous les partis politiques allemands, ce qui fait que sans être d'extrême droite, on peut dire que Hitler, sur ce point-là, c'est-à-dire la dénonciation des traités de paix, suscite une adhésion très large, bien au-delà de ses partisans. Je voulais juste ajouter que les observateurs du procès ont noté aussi que le juge s'adresse aux témoins et aux accusés de façon très respectueuse. Ludendorff, c'est votre excellence, monsieur un tel, parce qu'en fait il y a une proximité sociologique et idéologique en fait entre ces juges et puis la plupart, alors pas Hitler, mais il y a cette sympathie idéologique et puis Ludendorff qui effectivement c'est très très frappant dans les comptes rendus du procès. Donc ce qui explique que le parti n'est pas supprimé tel quel. Non, alors c'est-à-dire que il va y avoir un certain nombre d'interdictions qui vont peser sur le parti nazi, et Hitler lui-même, quand il va sortir de manière anticipée de prison, va être interdit de circulation plus ou moins en dehors de la Bavière. Il n'a pas le droit de se rendre notamment en Prusse, c'est quand même les deux tiers de l'Allemagne. Il n'a pas le droit de prendre la parole en public. Donc, il y a un certain nombre d'interdictions qui vont peser sur son activité politique. Et néanmoins, il va arriver à prendre la direction du parti nazi en finalement peu d'années. Oui, et ce moment-là, c'est ce qu'il voulait avec cette tentative de prise de pouvoir à Munich. C'est-à-dire qu'il est arrivé au centre de la question. En tout cas, désormais, après Munich, il est incontournable. Oui, alors après, il va changer de tactique, il va se déterminer en fonction d'une prise de pouvoir légale. Il choisit donc la voie des urnes. C'est sans doute aussi une réaction après l'échec de ce putsch. Donc la stratégie, du coup, change du tout au tout. Il va falloir conquérir des électeurs et des électrices pour parvenir au pouvoir. Hitler commence en prison après cet échec de Munich à écrire Mein Kampf. C'est la suite de cette réflexion autour de l'ascension d'un homme à l'assaut de la démocratie. Merci vivement Marie-Bénédicte Vincent à une nouvelle histoire de l'Allemagne ou l'histoire de la société allemande. Je renvoie au site internet lecoursdelhistoirefranceculture.fr pour toute la bibliographie. Et merci aussi à vous Nathalie Le Bouédec. C'était très clair et j'ai beaucoup aimé cette complexité à laquelle vous avez, dans laquelle vous avez analysé ce phénomène. Il est temps pour nous d'avoir maintenant les lumières d'un homme qui va nous conduire vers le pourquoi du comment, c'est Gérard Noiriel. Comment faire l'histoire des toilettes publiques ? Comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit de désigner des activités humaines considérées comme gênantes parce qu'elles choquent la pudeur, il existe un très grand nombre de termes pour désigner les toilettes publiques. Outre les mots relativement neutres comme WC ou Vespasienne, on a souvent recours à des euphémismes pour nommer ce genre d'endroit. On parle du petit coin, du lieu d'aisance, là où même les rois vont à pied. Euphémismes qui contrastent avec les termes vulgaires comme pissoir, pissotière, chiotte, etc. Cette polysémie traduit un embarras qui a eu des effets sur la recherche historique. Jusqu'à une période récente, en effet, peu de travaux ont porté sur ce sujet. Pourtant, c'est là que se déroule, depuis la nuit des temps, l'une des activités quotidiennes de tous les êtres humains. Les études les plus nombreuses ont abordé l'histoire des toilettes comme une dimension essentielle des politiques d'hygiène publique. On a montré que le mot « Vespasienne », encore utilisé aujourd'hui, était un écho lointain d'une mesure prise par l'empereur Vespasien au 1er siècle de notre ère. À Rome, de petites amphores ont été alors disposées au coin des rues et sur les places publiques afin de récupérer des urines qui servaient notamment aux teinturiers pour préparer les étoffes avant de les mettre en couleur. Au Moyen-Âge, ce sont les notables des grandes villes du royaume de France qui ont tenté de résoudre le problème de l'hygiène publique. À Tours, par exemple, dès le XVe siècle, les autorités ont aménagé, pour les classes pauvres, des chambres d'aise installées dans les quartiers fortement peuplés. Sous l'Ancien Régime, l'État royal a pris des mesures interdisant aux habitants des villes de satisfaire leurs besoins naturels sur les voies publiques. Pourtant, ce n'est qu'au début du XIXe siècle que les premiers urinoirs firent leur apparition à Paris. On les appelait alors les colonnes Rambuteau, car c'est le comte de Rambuteau, préfet de la Seine, qui les avait faites installer. Dans l'entre-deux-guerres, ces Vespasiennes furent progressivement supprimées et remplacées par des WC souterrains. Mais les petites cabines que l'on trouve aujourd'hui sur les trottoirs parisiens n'ont été installées qu'à partir des années 1980. Deux grandes raisons expliquent l'évolution récente de la politique des toilettes publiques. La première, c'est qu'il fallait mettre un terme à une inégalité flagrante, pénalisant les femmes, puisque les anciennes pissotières étaient réservées aux hommes. La seconde raison tient au fait que les Vespasiennes avaient mauvaise réputation. Depuis le XIXe siècle, en effet, elles avaient souvent servi de refuge pour les homosexuels cherchant à échapper à la répression. Cet éclairage, centré sur la France, ne doit pas nous faire oublier que l'histoire des toilettes publiques est encore à écrire dans de nombreux pays. La Journée mondiale des toilettes, célébrée tous les 19 novembre depuis 2013, nous rappelle que dans le monde, plus de 3 milliards de personnes vivent encore dans de mauvaises situations d'assainissement, ce qui dégrade leur santé et pollue leur environnement. C'était important de le rappeler aussi. Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Daphné Leblond avec Alexandre Manzanares. Aujourd'hui à la technique, Jean-Guilain Meige. Émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoine Viudès, Jeanne Copet, Gillian Tilly, Maïwenn Guizhou et merci à Sabine Dahuron de l'Institut National de l'Audiovisuel. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France. Guerre en Ukraine, le podcast de la rédaction internationale de Radio France. Le récit de la guerre par les envoyés spéciaux et correspondants de France Inter, France Info et France Culture. Isabelle Labéry.